Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Éduqué depuis l'enfance par Pacino et De Niro. Rêve de gosse, grosse caisse, là c'est braco. Depuis tout le monde vouloir jouer au mafieux. Est-ce que bar comme parrain, sous ça comme grossiste. Monsieur le juge, c'est pas mal fautif. C'est Coppola coupable, c'est Hollywood qui a mis dans ma tête toutes ces images. Où sont les repères, tout est faussé, ça fait trop de temps que ça dure. Les générations futures veulent être encore plus dures, les choses s'annoncent pires. On voit le monde comme une banque, et y'a qu'à servir. Prêt à tout pour du genre art, monter des guet-apens aux gendarmes. Se planquer à la vue d'un uniforme, ouais, parle encore sur le portable. Finir en prison pour des plans minables. Rien à foutre, ça passe ou ça casse, braquage à les rescates. Homme jacking donne le code du coffre, on t'éclate le front à coup de batte. On te fait une offre que tu peux pas refuser, ça tu le remarques. Marqué à vie comme sur la joue la balafre, marqué comme un billet de banque. À chacun son taf, ne parle pas de fil d'attente. File une baffe à la vieille du guichet, canoncier sur l'hygiaphone. Défouraille si l'alarme sonne, si l'alarme sonne. Défouraille si l'alarme sonne, si l'alarme sonne. Défouraille si l'alarme sonne, si l'alarme sonne. Si l'alarme sonne. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Le film de la vie se déroule sur le bitume, inspiré par des histoires en 16-9ème. Trop de cerveaux qui fument pour des billets, ça saigne. Et quand les flics s'en mêlent, ça part en couille sa mère. Trop d'empreintes sous les douilles par terre comme dans un stand de tir. Avec les balances pour cible et les balles traînent comme victimes. Le pied enfoncé à mort sur l'accélérateur pour se casser vite fils. De quoi bouffer les injecteurs sur un gros V6. Pour finir grossiste, mettre les petits à l'amende. Avoir des grosses cylindres et allemandes. Et pour la IA, au lieu de la kiffer ou est-ce contenté de la vendre. Comme les extra et la coque, tout ce que les clients demandent. Faire du bon en gras, c'est ce que veulent les gars. Pas se faire flinguer, rien à foutre des dégâts. Qu'est-ce que tu crois? Et sinon cette putain de ce franc, les petits veulent être comme Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Avec ou sans manie. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface, s'échappe à la Kaiser. Veut la mer qu'on classe sous la Porsche Boxster. Génération Scarface, pense qu'à faire des affaires illégales, c'est autant sûr. Autant de soufre dans l'atmosphère. Génération Scarface. Scarface. Génération Scarface. ZEGUA, déjà mort production. Ouais, gros, c'est pour originaire du sud. C'est pour tous mes gars, ouais, représente.